Bonjour, le Falassar, et nous allons continuer à regarder ce que Paul dit à cette église de Corinthe, qui est la suite de sa première lettre, qui était, selon ses dires, l'expression de son amour extrême pour eux. Donc, prions ensemble pour que Dieu nous guide dans notre étude, notre Père du ciel. Quand on lit les évangiles, on voit à quel point le peuple d'Israël, qui était ton peuple, le peuple choisi, le peuple qui avait reçu la vérité, qui avait la Bible, à quel point ils étaient dans l'erreur sur tellement de points, que pendant tes 3 ans, tu as voulu les redresser. Tu as voulu corriger ce qu'ils ne comprenaient pas bien. Tu as voulu les instruire, les reprendre, les rediriger, afin qu'ils marchent dans la vérité. Ô Seigneur, nous maintenant, des siècles plus tard, en tant que peuple québécois, oh, à quel point nous étions loin, loin, loin, loin de la vérité. C'est pour ça que nous avons tellement besoin que tu nous aides à toujours mieux comprendre la vérité qui est une personne, qui est la personne de Jésus. Amen. Donc, l'apôtre Paul, on l'a vu ensemble, à cause de ce qu'il avait entendu, a décidé de ne pas aller voir les Corinthiens tout de suite. Parce qu'il était dans la tristesse, il était dans l'affliction, il était angoissé. Donc, au lieu de cela, il écrit une lettre. Et cette lettre-là, il dit dedans ce qu'il veut leur dire, et il dit, c'est mon amour qui vous parle, je n'ai pas fait ça pour vous attrister, mais pour vous montrer à quel point je vous aime. Donc, l'amour, elle reprend, corrige, instruit, châtie, si j'en prends le terme de notre qu'on a vu hier, et aussi pardonne. Parce que Paul dit, je suis prêt à pardonner aussi avec vous à cet homme-là. Et cette lettre-là, ben, il n'a pas fait enter sur son clavier d'ordinateur qui est parti par courriel. Il n'a pas mis un timbre dessus, il l'a donné à Poste Canada. Il l'a donné à quelqu'un qui devait aller l'amener aux Corinthiens. Et ce qu'on peut comprendre, c'est Tite qui est allé. C'est Tite qui est allé mener la lettre et Paul attendait des nouvelles de Tite. Des nouvelles de sa lettre, de l'Église. Et c'est ce que nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'Évangile de Christ, quoique le Seigneur m'ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ, devant Dieu. Donc, Paul est à Troas. Et il attend des nouvelles deux titres de l'Église de Corinthe. Il était, vous souvenez, il est écrit dans les pleurs, dans les larmes, il est angoissé. Et là, il ne peut pas avoir des nouvelles comme nous on a aujourd'hui. On peut faire du Skype, on peut se parler vivement, on peut se voir instantanément aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, il partait à pied, ça durait des semaines, des fois des mois, avant d'avoir des nouvelles. C'est pas que Paul était inactif. Il dit, j'étais à Troas et Dieu m'avait ouvert une porte, une occasion pour prêcher l'Évangile. Et des gens se convertissaient. Paul avait un ministère qui était fructueux, si je peux dire ainsi. Mais il dit au verset 12, je n'ai point de repos. Il était inquiet, il était angoissé. Souvenons-nous de cela. Et je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Je ne sais pas où ce qui est Tite. Je l'attendais. Je l'attendais, je voulais avoir des nouvelles de vous. Donc, il y a tellement de l'angoisse, il est tellement amoureux, si je peux dire, de l'Église, qu'il décide de laisser tomber le ministère qu'il y avait à Troas, le mettre de côté pour un instant, pour un moment, pour une période de temps. Et il part à la recherche de Tite dans la Macédoine. Il repart à la recherche de Tite. Il cherche Tite. Il veut avoir des nouvelles de l'Église de Corinthe. Et je crois qu'il le retrouve. Et c'est pour ça que nous avons le verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu. » Il rend grâce à Dieu de ce que Tite lui apporte comme nouvelle, de ce que Tite lui dit. Nous allons voir plus en s'en allant que Tite est bienvenu et Tite a donné des informations. Paul rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu pourquoi? Pourquoi dit-il merci au Seigneur après avoir écrit à l'Église et passé un temps un peu de tristesse, dans l'angoisse, et je suis convaincu dans la prière? Et là, il rend grâce à Dieu. Puis il dit qu'il nous fait toujours triompher en Christ, qu'il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Le triomphe dans la vie chrétienne ne dépend pas de nous, mais de Christ. Il dit, Christ nous a donné de triompher. Remarquez bien qu'il s'inclut, nous fait triompher. Nous. Moi, Tite, Timothée, Sylvain, vous, Corinthiens. Le triomphe est en Christ. Pourquoi? Parce que la vérité est en Christ. Et on a un triomphe sur quoi? Mais je suis obligé de reculer de quelques versets, parce que Satan était là. Satan voulait nous faire tomber. Satan voulait nous écraser. Satan livre une guerre à l'Église. Et Christ nous a donné de triompher contre les attaques de Satan, qui s'acharne contre l'Église. Donc, il dit, Christ nous fait triompher. Et il répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Paul avait envoyé à l'Église de Corinthe de la connaissance, des explications, de la doctrine, de la vérité. Oh, c'est tellement beau le chapitre 15 dans Corinthe, où est-ce qu'il se pose des questions par rapport à la résurrection. Il prend un grand chapitre, il explique, il donne des raisons logiques, qui ont du bon sens, qu'ils doivent croire à la résurrection, que la résurrection est quelque chose de sensé, de logique, que ça devait être de même. Il a dit, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Je ne sais pas pour vous, mais pendant longtemps, j'ai pensé que le parfum était moi, ma vie chrétienne, mon comportement, ma façon d'agir, mon obéissance, ma sanctification, ma sainteté chrétienne, qui était pour les uns une odeur de vie ou une odeur de mort. C'était mon exemple, c'était mon témoignage. Mais le texte ne nous parle pas de ça, si. Il dit, pour les uns, on va être une odeur de mort, et pour les autres, une odeur de vie. Et dans le contexte, je crois, c'est pas l'odeur de sa connaissance. Le parfum ici, c'est la connaissance, ce n'est pas moi. L'odeur, c'est ce que je prêche, c'est ce que je dis, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je partage, c'est l'évangile que je proclame. C'est pas moi. L'odeur de Christ, c'est l'odeur de sa connaissance. La connaissance que je vais donner pour les uns va être une odeur de mort. La connaissance que je vais prêcher pour certains, ça va être une odeur de vie qui mène à la vie. Donc, Paul dit, je vous ai annoncé l'évangile, je vous ai envoyé la vérité par Tite, et elle a eu un bon effet sur vous. Elle a produit en vous la vie. Vous aviez réagi à cette odeur-là, vous l'avez vu comme une bonne odeur, et vous l'avez pris, et vous l'avez mis en pratique, et vous avez fait cela. Et je rends grâce à Dieu pour cela, qui vous a fait triompher dans la connaissance de Christ. On triomphe non pas par la volonté, on triomphe par l'intelligence et la connaissance. Nous connaissons et nous, avec notre intelligence et notre volonté, va prendre des décisions après. Mais attention, de jamais prendre des décisions sans la connaissance, ça devient une religion. La connaissance de Christ me donne le triomphe dans la vie, d'abord dans mon salut et dans la vie chrétienne. C'est dans la connaissance que je vais persévérer jusqu'à la fin. C'est la connaissance qui va m'amener à voir la victoire contre Satan. C'est la connaissance qui va m'amener à repousser les faux docteurs et de continuer à marcher dans la vérité. C'est pour ça qu'il dit au verset 17, nous ne falsifions point la parole de Dieu. Si je falsifie la parole de Dieu, je vais prêcher juste une odeur de mort, tout le temps, partout. Je n'aurai pas d'autre chose. L'odeur, si je falsifie la parole de Dieu, ça va être toujours une odeur de mort, autant dans l'Église qu'en dehors de l'Église. Mais si je ne falsifie pas, comme les faux docteurs, comme les faux apôtres qui étaient là, si je la falsifie, je suis toujours une odeur de mort. Parce que si je ne prêche pas la parole de Dieu telle que transmise par les apôtres, par les Écritures, par la Bible aujourd'hui, je suis seulement qu'une odeur de mort. Mais si je prêche la vérité, je vais être une odeur de mort et une odeur de vie. Parmi ceux qui sont sauvés, je vais être une odeur de vie, d'encouragement, de consolation, d'exhortation, de sainteté. Et parmi ceux qui périssent, ça va être une odeur de mort, parce qu'ils vont la rejeter, ils vont la repousser, ils vont la discréditer, ils vont s'éloigner de cela. Donc ça va être pour eux autres, même si c'est la vérité, ça va devenir une odeur de mort qui mène à la mort. L'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas le parfum. Je ne suis pas le parfum. C'est la connaissance de Christ qui est un parfum. Il dit, au verset 15, nous sommes en effet, quand nous prêchons la vérité, la connaissance de Christ, le parfum pour Dieu, le parfum de Christ. Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Qui agit de deux façons. Pour les uns dans la vérité et pour les autres dans le mensonge. Vie, mort. Quand la vérité est proclamée, elle sépare, elle divise. C'est entre les vrais et les faux. Elle sépare entre la vérité, entre la lumière et les ténèbres. Elle sépare les enfants de Dieu et les enfants du diable. Elle sépare. La vérité proclamée, cette vérité qui est la connaissance de Christ, qui est Christ lui-même, a le pouvoir de donner la vie à ceux qui sont sauvés. Ils ont le pouvoir de donner la mort à ceux qui périssent. Quelle belle vérité! Comment c'est libérateur! Et il dit au verset 17, nous falsifions point la parole de Dieu comme le font plusieurs, hein, plusieurs changent la vérité, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc il dit, mon travail, je vous donne la vérité, avec sincérité, je vous donne la vérité. De la part de Dieu. Et nous parlons en Christ, ou de Christ, ou de ce qui concerne Christ, l'œuvre de Christ, la personne de Christ. Et nous le faisons devant Dieu, et non pas devant les hommes. J'ai pas de contrôle, chers amis. J'ai pas de pouvoir sur l'effet que ça va produire. Vous n'avez pas de pouvoir non plus. Vous prêchez la vérité sans changer quoi que ce soit. Avec la sincérité, vous dites la vérité. La parole de Dieu. Vous le faites devant Dieu et pour Dieu. Vous n'avez pas de contrôle dessus. Vous n'avez pas de contrôle. Ce n'est pas à cause que les gens l'acceptent que c'est vrai. Ce n'est pas à cause que les gens l'acceptent pas que c'est faux. Vous le faites devant Dieu et vous laissez les résultats à Dieu. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous fais triompher en Christ. C'est lui notre force, c'est lui notre victoire, c'est lui qui nous donne la capacité par la vérité et par ton esprit en nous de combattre le bon combat de la foi jusqu'à ton retour. Ô notre Dieu, que notre souci premier ne soit pas la moralité, mais la vérité. Que notre souci premier ne soit pas nos conjoints, nos enfants, nos amis, nos voisins, mais la vérité. Pour Dieu, devant Dieu, pour la gloire de Dieu. Pour le salut de tes enfants.